J'aurais aimé écrire un jour une chanson d'amour, des vers délicats, des mots pour toi, gravés pour toujours. Mais les mots s'échappent, passent à la trappe, me laissent seul pour ma chanson d'amour. Je ferme les yeux, je m'endors un peu, je pense à nous deux, à toutes ces années passées à tes côtés. Il faudrait le noter. Mais les mots s'envolent, emportent mes paroles, me laissent seul pour ma chanson d'amour. Pourtant, pas besoin d'un poème pour dire je t'aime. Alors je cherche des phrases toutes faites, des images bas. La lune, le soleil, les fleurs, les oiseaux, rien de bien nouveau. Mais les mots s'enfuient, disparaissent dans la nuit, me laissent seul pour ma chanson d'amour. Cette fois j'abandonne, je repose ma gomme, mon crayon de papier. Écrire ce qu'on a dans le cœur, oublier sa pudeur, c'est trop compliqué. Et les mots se moquent, me tensent et me provoquent. Parle avec humour de ma chanson d'amour. Pourtant, pas besoin d'un poème pour dire je t'aime. Pourtant, pas besoin.